Quand elle met casquette sous tête, moi pas attendre sous tête. Quand elle met casquette sous tête, pas qu'à comprendre sous tête. Y a la mort, a mesa se. bien chauffé. Oui. Nous bien chauffé. Oui. Bon. Nous mettons la caille, nous tout chauffé comme ça. Bon, si c'est chauffé, il chauffé, monsieur Vrayon agit.